Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Du blues, du blues, du blues, chantait Michel Jonas en 1977. Le blues, chant de souffrance et d'espoir, né à la fin du 19e siècle dans le sud des États-Unis, le blues plonge ses racines dans le chant des esclaves noirs américains. Voyage aux racines du jazz avec la grande voix d'Ella Fitzgerald. En 1981, France Culture lui consacrait une série en 8 épisodes dans l'émission Semaine Titre. À écouter tout de suite, troisième émission diffusée le 29 décembre 1981, Ella Fitzgerald et le blues. Lady Sings the Blues, comme le titre chanté par Billie Holiday, autre voix du jazz, titre de son autobiographie. Elle, Ella, elle a chanté du gospel, a été la reine du scat, mais aussi du blues, comme ses chansons Sugar Blues, Blues in the Night, comme la note bleue, Blue Note. Voyage en musique dans la vie et l'œuvre de la diva du jazz et la diva du blues. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Peter. Oh. Oh, it's hot. You know, there's so many people who love music, all kind of music, and I love music. You love all kind of music? Hmm? I love classic music. À la fin des années 30, le blues chanté par les femmes ne se vend plus. Cette musique de la tristesse, ce chant perpétuellement déchiré, ne s'accorde pas à l'essor économique du pays, à l'optimisme extravagant qui occupe l'esprit de chaque Américain. La mort tragique de la grande Bessie Smith avait définitivement sonné le glas du succès sans précédent qu'avait connu ce genre pendant toute la période de l'entre-deux-guerres. Si on fait exception d'Ethel Waters, qui perpétuera les traditions du blues avec un honnête succès, aucune chanteuse ne réussira plus à lui donner l'audience qu'il avait trouvée du temps de Bessie Smith dans sa forme traditionnelle. Mais le blues n'est pas seulement une forme figée, il est l'expression même du mal de vivre, et le mal de vivre transgresse les crises politiques ou économiques, quelles qu'elles soient, et d'autant plus que la communauté dont il est le moyen d'expression privilégié est, quoi qu'il arrive, tenu en marge de l'évolution sociale. C'est bien sûr Billie Holiday qui va le mieux intégrer l'héritage de Bessie Smith dans son art, mais il serait injuste de passer sous silence comment Ella Fitzgerald, tout au long de sa carrière, l'a chanté. While Billy Strayhorn sets the mood, we gather the material for our musical portrait of Ella Fitzgerald by allowing our imagination to browse through her family album. We see there many people, pretty people, strong people, sturdy, solid people, people and events of great dignity and distinction, and all with a beat. As we turn the pages, we observe that she is of royal ancestry. In our first movement, we try to capture and convey some of the majesty of Her Majesty. Ces ancêtres royaux dont parle Duke Ellington dans son portrait d'Ella Fitzgerald, ces gens forts et solides, ressemblent à Bessie Smith, dont Ella va chanter en 1940, alors même que le blues est totalement démodé, deux des plus grands succès, Sugar Blues et le fameux Gulf Coast Blues. Dès l'introduction de Sugar Blues, on sait à quoi s'en tenir. Il ne s'agit plus pour Ella de singer Bessie Smith, mais d'apporter au blues son expérience du jazz et en particulier du swing. Le résultat est d'autant plus étrange que la voix d'Ella est ici inhabituellement gutturale, surtout dans Gulf Coast Blues. Have you heard these blues that I'm going to sing to you? When you hear them, they will thrill you through. Listen and don't say a word. Sugar blues, every everybody singing the sugar blues. The whole town is ringing, my loving man, sweet as can be. But the doggone fool turned sour on me. I'm so unhappy, I feel so bad. I could lay me down and die. You can say what you choose, but I'm all confused. I've got the sweet, sweet sugar blues. More sugar. I've got the sweet, sweet sugar blues. Sugar blues. Everybody's singing the sugar blues. My loving man, sweet as can be. But the doggone fool turned sour on me. I'm so unhappy, feel so unhappy. I could lay me down and die. You can say what you choose, but I'm all confused. I've got the sweet, sweet sugar blues. More sugar. I've got the sweet sugar blues. What you choose, but I'm all confused. Oh, baby, got the sugar blues. La version qu'Ella Fitzgerald donne de Basin Street Blues en 1949 n'a rien à voir avec les précédentes. À cette époque, le blues est pratiquement tombé dans l'oubli et c'est comme en pensant à un souvenir cher qu'elle va l'interpréter. C'est un blues anecdotique, presque exotique, où elle n'hésitera pas à imiter Louis Armstrong pour donner au tout un caractère aimable plutôt que parodique. C'est certainement maladroit, mais alors qu'elle est au fait de sa gloire, elle semble dire à son public « Je sais, je le chante mal, mais ne l'oubliez pas, le blues ». Au début des années 50, le blues, sous sa forme traditionnelle, n'est pratiquement plus joué. Mais il sert de base aux nouvelles formes, y compris au rock'n'roll. Tout le monde se réclame du blues, tout le monde en fait, et Ella chante sa contribution au blues. « Voilà ce que moi je peux lui apporter », dit-elle, précisant ainsi que le blues, en fait, est un édifice qui se construit pierre à pierre en fonction de l'expérience de chacun, de sa sensibilité. C'est un aveu simple, fait presque dans un de ces éclats de rire qu'aurait pu avoir Marenay, et pourtant les messieurs fort sévères et un tout petit peu sinistres qui font l'histoire du jazz commencent à lui reprocher de toucher à tout, de ne pas savoir tenir sa place dans une catégorie et de mal chanter le blues. J'avoue préférer ne pas comprendre ce que tout ça veut dire. Too. too. And if they ask you, just say, this is Ella's contribution to the blues. I'm gonna paint the town red. Cause I found me, yes, I found me somebody too. And if they ask you, just say, woo, this is Ella's contribution. Ella's contribution to the blues. They called me Chicken. Chicken. I had to go. Because I didn't, I'd never be able to face those kids again. I got in one of those cars. En 1955, Ella tourne dans un film. Elle y chante Pet Kelly's Blues. L'Amérique traverse une autre crise morale, cette fois. La jeunesse est malade. Le film Rebel Without Cause, qu'on continue à traduire par la fureur de vivre, et qui veut dire littéralement « rebelle sans raison », ce qui est tout de même sensiblement différent, se fait l'écho de ce nouveau malaise qui touche essentiellement l'Amérique blanche. Mais quand l'Amérique blanche va mal, l'Amérique noire va encore plus mal. Ella chante le blues et trouve dans le film Pat Kelly's Blues des accents surprenants. They're a sad thing, they're a bad thing, the blues. When they threaten, just start betting you lose. You hide yourself behind a prayer. The blues will come and they'll find you there. I mean the blues, they call peace. Kelly's blues, bad news. There's no exit. You can try with the blues. If you're born with, you will die. St. Louis Blues est le lieu musical où Ella va consommer l'amalgame blues-jazz. C'est en même temps l'endroit où elle est le plus fidèle à l'esprit du blues. Le fait qu'elle ait choisi le grand classique du blues pour y greffer ses propres improvisations n'est pas un hasard. Son chant est une alternance constante de respect de la tradition et de viol de la tradition. Elle y a mis surtout ce qui ne s'explique pas, alors évitons d'expliquer. That evening sun go down, way, way, way, way down. I hate to see that evening sun go down, just because my baby he has gone and left the town. If I'm feeling tomorrow just like I feel today, just like I feel today, I'm gonna back my trunk, I'm gonna make my getaway. Shake my tree. whiskey. Well, baby, you might as well get used to wine, 'cause wine is fine. If you don't like whiskey, yeah, you better get used to wine, 'cause wine is fine. 'Cause that man, he left me with that wine, and I felt mellow and fine. Et voici ce que, près de 20 ans plus tard, le blues devient pour Ella Fitzgerald. Plus de blues triste, swinguer le blues comme Count Basie, dit-elle, en retrouvant des accents d'une autre grande prêtresse, Aretha Franklin. I had one too. À Montreux, en 1977, il n'est plus question de forme pour Ella, quand il s'agit de blues. C'est un don total de l'être qui passe par la voix, l'occasion de lâcher ce que le cœur contient, ce que d'autres appelleront la musique de l'inconscient. Ain't got the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perking. Ain't got no winnings to lose. Ain't got a dream that's working. I ain't got nothing but the blue, blue, blue, blue, blue. When troubles flare up, I keep my hair up. I just can't keep it down. No sleep in my slumber. Ain't got no feelings to prove. Ain't got a telephone number. I ain't got nothing but the blues. Ain't got the change of a nickel. C'est Inclassable, Ella 3, Ella Fitzgerald et le blues sur France Culture dans l'émission Semaine Titre, une série en 8 épisodes dont vous venez d'écouter la 3e émission diffusée le 29 décembre 1981. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.